La liberté est-elle toujours du côté du dominant? Celui qui domine, celui qui décide, celui qui a le pouvoir, n'est pas plus libre que celui qui est dominé, puisqu'il dépend de celui-ci. Que reste-t-il du pouvoir si on enlève ceux qui obéissent? Rien. Que reste-t-il de la domination si on enlève le dominé? Rien non plus. Ainsi, celui qui se croit libre et fort ignore-t-il sa dépendance et sa soumission à ceux qu'il croit dominer? Ou comme le dit l'esclave Spartacus, vaut-il mieux être homme libre parmi ses frères ou riche citoyen de Rome engraissé par le travail des autres? Rome veut nous empêcher de quitter l'Italie, elle est fermement décidée. Par conséquent, il ne nous reste plus qu'à marcher sur Rome elle-même. Et ce sera la seule façon de remporter une victoire totale. Il faut libérer tous les esclaves qui se trouvent en Italie. Ne vaut-il pas mieux être un homme libre parmi ses frères, à la veille d'une marche épuisante et d'un dur combat, que d'être le plus riche citoyen de Rome, engraissé par le travail des autres et entouré d'esclaves? Ce que je sais, c'est qu'aussi longtemps que nous vivrons, nous devrons rester loyaux envers nous-mêmes. Je sais que nous sommes tous frères. Et je sais que nous sommes libres. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. I wish. Bonjour Olivier Talon. Bonjour Adèle Vendresse. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin depuis Montpellier, c'est ça où vous travaillez? Tout à fait, avec grand plaisir. Et je suis ravie de vous accueillir pour cette émission, pour commencer cette série d'émissions autour de l'affranchissement, des possibilités de s'affranchir, de l'esclavage en particulier, hein, puisque cette semaine France Culture propose une programmation spéciale autour des mémoires de l'esclavage. Vous enseignez la philosophie à l'université Paul Valéry à Montpellier, donc vous êtes spécialiste de Hegel, vous travaillez aussi sur la philosophie américaine contemporaine. En ce qui nous concerne ce matin, c'est surtout donc de Hegel que nous allons parler. Vous avez entendu un extrait de Spartacus, le film de Kubrick, vous êtes en train d'entendre la chanson de Nina Simone. Finalement, de Spartacus à Nina Simone jusqu'à Hegel, il y a un lien, à savoir finalement celui qui domine n'est pas forcément le plus libre. C'est une première chose qu'on peut dire à propos des analyses que Hegel fournit autour de ce qu'on appelle la dialectique du maître et du serviteur. Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler en langage hegelien un renversement dialectique, hein, qui prend toujours la forme d'une sorte de paradoxe. On a souvent lu la fameuse dialectique du maître et de l'esclave, ou la dialectique du maître et du serviteur, comme je préfère l'appeler, comme justement l'expérience de ce genre de retournement. Et on y a vu une forme de revanche de l'esclave ou du serviteur sur le maître, et justement une expérience paradoxale par laquelle le maître se rend compte, en fait, que dans sa quête d'autonomie, qui prend la forme d'une domination sur l'esclave, il s'avère lui-même dépendant de l'esclave. Dépendant de sous deux formes différentes. Alors, on a beaucoup insisté sur une forme principale qui n'est pas la plus importante pour Hegel. La forme sur laquelle on a insisté, c'est que finalement, le maître, pour jouir des choses qui l'entourent, a besoin d'un esclave qui travaille pour lui. Et donc, il est dépendant du travail de l'esclave. Bon, Hegel n'en disconvient pas, hein, il le remarque d'ailleurs, mais pour lui, ce n'est pas l'essentiel. Ce qui est essentiel pour Hegel, c'est que le maître finalement ne voit le maître a besoin d'être reconnu comme maître. S'il domine l'esclave, on y reviendra sans doute, c'est d'abord parce qu'il veut s'affirmer hein, comme étant autre chose qu'un animal, autre chose qu'un être purement naturel. Il veut s'affirmer comme un être humain à part entière, qui a une valeur humaine irréductible à l'animalité. Et donc il va se servir de l'esclave comme d'un miroir pour se faire reconnaître par lui. Il va se servir de ce rapport asymétrique pour dire à l'esclave, bah, écoute, je suis ton maître, reconnais-moi dans ma pleine humanité. Le problème, c'est que ce faisant, il n'obtient qu'une reconnaissance d'esclave. Il n'est reconnu que par quelqu'un qu'il ne reconnaît pas lui-même comme un authentique être humain. Et donc, sans réciprocité de la reconnaissance, le maître se trouve dans une impasse, hein, l'impasse d'une reconnaissance asymétrique. Si le maître ne reconnaît pas l'esclave comme un être digne de le reconnaître en retour, finalement, il n'obtiendra qu'une reconnaissance d'esclave, une reconnaissance d'un être qui n'est pas pleinement parvenu à son humanité. Et donc, il ne parviendra pas à trouver une issue heureuse à ce rapport de domination qu'il instaure. C'est donc une forme d'impasse, hein, d'un rapport de domination unilatéral, asymétrique, que Hegel nous présente dans ce texte. Alors précisons, quelle est la nature de ce texte et pourquoi on en parle ce matin, la dialectique du maître et de l'esclave, l'expression n'est pas si connue non plus, c'est souvent l'expression qu'on accole à Hegel, mais on la trouve dans un texte qui s'appelle « La phénoménologie de l'esprit », qui est un texte, reconnaissons-le, Olivier Talland, extrêmement difficile. Et il importe d'inscrire ce passage-là dans ce texte parce que pour comprendre que pour Hegel, cette dialectique-là est un élément qui s'inscrit dans un devenir, qui s'inscrit dans une progression et qui est peut-être, et c'est toute la question qu'on va se poser ce matin, y compris d'un point de vue politique, parce que là on a un point de vue vraiment proprement philosophique, mais Hegel a écrit directement justement, on va voir comment, sur l'esclavage historique, sur l'esclavage politique, et qui est peut-être une justification d'un moment d'obéissance et de soumission pour l'homme afin de parvenir à cette liberté ultime qui serait l'aboutissement de cette lente progression que décrit la phénoménologie de l'esprit. Oui, donc pour revenir à votre point de départ, la phénoménologie de l'esprit, en effet, que Hegel rédige et publie en 1806-1807, c'est l'un des ouvrages les plus difficiles hein, de l'histoire de la philosophie. Voilà, il faut le dire titre... quand même pour rassurer quiconque a essayé de le lire et n'a pas réussi. Voilà, on parlera sans doute d'Alexandre Kojève un peu plus tard. Ouais. Kojève, qui maintenant est connu comme l'un des grands interprètes de cette œuvre, a avoué qu'il avait lu 4 fois de suite la phénoménologie de l'esprit, chapeau, et qu'au sortir de sa 4e lecture, il n'y comprenait toujours absolument rien. Oui, mais c'est ça. Donc voilà, ce qui ne manque pas de sel pour quelqu'un qui ensuite a été tenu pour une autorité en la matière. Mais donc, c'était une forme d'honnêteté. L'ouvrage est très difficile, c'est une sorte de palimpseste philosophique qui comporte des couches, des strates successives qui s'entremêlent, des motifs, hein, comme des motifs musicaux qui jouent à différents niveaux. Il y a une sorte d'art du contrepoint chez Hegel qui fait que dans chaque chapitre, dans chaque partie de cette œuvre, se jouent des enjeux différents. Et donc ça autorise une grande variété de commentaires, évidemment. Et c'est ce que n'a pas manqué de susciter cette œuvre. Et donc parmi ces commentaires, on s'est mis à se focaliser à partir des années 30-40 sur cette fameuse dialectique du maître et de l'esclave. Il faut avoir conscience hein, qu'avant les années 1930-40, ce passage de la phénoménologie de l'esprit, qui maintenant fait figure de totem de la pensée de Hegel, ce passage n'intéressait pas grand monde. Mmh. Marx l'avait discuté dans ses manuscrits de 44, mais très vite pour justement basculer sur une critique de Hegel, en montrant que Hegel nous présentait des phénomènes de domination et de servitude qui étaient trop abstraits, trop coupés des conditions réelles, de l'exploitation et de l'aliénation. Ensuite, quelques marxistes comme Lukács s'y sont intéressés aussi, mais finalement, ça restait un thème marginal. Et il a fallu l'irruption de ce philosophe étonnant qui est Alexandre Kojève pour qu'on s'intéresse à cette figure. Mmh. Alors, avant d'en venir peut-être à ce que Kojève, au rôle que Kojève va jouer, on peut essayer rapidement de reconstituer de quoi il s'agit. Oui. À la phénoménologie. Ah, Olivier Talland, on vous a perdu juste au moment où vous étiez en train d'expliquer ce qui se passait dans ce texte. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un extrait Ah, vous êtes là ? Oui, oui. Ah ben, on vous a perdu. J'allais diffuser un texte en vous attendant. Ah non, mais je vous en prie. Donc, vous étiez en train de dire, reprenons le texte précisément tel qu'il apparaît dans la phénoménologie de l'esprit. Donc, on vous écoute. Oui, bah écoutez, dans la fémologie de l'esprit, donc ce texte vise à montrer comment la conscience accède au sens de ce qu'elle est comme étant autre chose qu'un simple être animal, un simple être naturel. Donc le but, c'est de s'élever. En fait, le but de l'ouvrage, c'est d'apprendre à penser en vérité. C'est un ouvrage au départ qui a une fonction spéculative. Comment est-ce que je peux arriver à penser le vrai, et donc, pour Hegel, à penser l'absolu? Il faut d'abord que je me libère du mode animal, naturel de ma pensée. Il faut que je me libère de mon mode d'existence par lequel, finalement, je vois le monde uniquement par les lunettes de mon égoïsme naturel, par les lunettes de mon attachement à mes besoins naturels et à mes désirs naturels. Et donc, l'expérience de la reconnaissance chez Hegel dans cet ouvrage est un premier moyen pour conquérir une forme de liberté spirituelle, pour me montrer, en gros, que je ne suis pas qu'une bête, que je suis capable justement de me penser comme un authentique être humain, que je peux penser quelque chose d'universel et pas uniquement quelque chose de singulier qui ne serait que le miroir de mon égoïsme. Et donc cette séquence met en place plusieurs expériences, l'expérience du désir, de la reconnaissance, de la lutte à mort, du rapport de maîtrise et de servitude, qui ont pour but justement, par leur combinaison, de rendre possible ce passage. Et donc on voit que justement, dans ce cadre-là, l'objectif n'est pas un objectif directement politique. C'est d'abord un objectif théorique. Il faut d'abord être capable, être libre pour Hegel, c'est d'abord être capable d'avoir une pensée libre. Mais néanmoins, on verra ensuite comment justement ce passage va pouvoir servir de matrice pour penser des expériences C'est politiques. ça. Mais ce qui est intéressant, vous dites que ça a une dimension théorique, on pourrait dire même proprement philosophique, voire métaphysique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que la description qu'il propose, cette sorte de scène primitive entre deux individus qui se font face, ne livre pas aussi, n'est pas une sorte d'analyse, disons, anthropologique. C'est comme si on avait deux types d'individus. D'un côté, celui qui accepte le risque de la mort, et de l'autre, celui qui recule devant le risque de la mort. D'un côté, celui qui accepte va mettre la conscience de lui-même au-dessus de la vie. L'autre va mettre la puissance de la vie au-dessus de la conscience de soi. Les deux aient raison, mais d'un côté, il y a le maître. De l'autre, il y a de l'esclave. Il y a de l'esclave. Est-ce que ce sont deux types d'êtres au monde? Est-ce que ce sont deux types d'individus que l'on pourrait rencontrer? Pas pour Hegel au départ. Au départ, ce sont plutôt deux facettes de nous-mêmes. Au départ, en fait, la dialectique du maître et de l'esclave, pour reprendre encore une fois l'expression classique, la dialectique du maître et de l'esclave incarne sous la forme d'un duel, d'un face-à-face de deux personnes, de deux individus, ce qui constitue deux facettes possibles, et en concurrence de chacun d'entre nous. D'une part, une facette qui tient d'abord, qui accorde à la vie une valeur fondamentale. J'ai d'abord besoin d'être vivant, que mon corps subsiste, j'ai besoin d'assouvir mes désirs et d'abord d'assouvir mon désir de rester en vie. Et une autre facette, qui est celle qu'incarnera le maître, qui est la facette qui, en nous, tend à nous faire éprouver que nous ne sommes pas uniquement des êtres qui veulent rester en vie. Il y a un surplus en nous, il y a quelque chose qui nous pousse à accomplir, à nous soumettre à des expériences qui nous permettront de nous affirmer comme des êtres qui ne nous réduisons pas à notre corps, à nos besoins, à nos désirs. Donc il y a ces deux choses en nous. Donc nous sommes tour à tour maître et esclave, ou en Oui, même temps. tout à fait. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, dans la réalité, il peut arriver qu'un aspect prédomine sur l'autre. En tout cas, ce sont deux facettes complémentaires et en tension du psychisme humain, finalement, que nous présente Hegel. Et donc, tout l'enjeu, c'est de savoir comment faire droit à ces deux facettes. Comment faire droit à la fois à ce qui en nous veut affirmer notre vie, veut affirmer notre corps, veut affirmer notre désir, et à ce qui en nous veut affirmer ce qui outrepasse le désir naturel, ce qui peut faire l'objet, justement, d'une historicité humaine, d'une œuvre humaine qui soit irréductible à la simple existence animale. Donc il s'agit d'articuler ces deux exigences, et donc cette dialectique du maître et de l'esclave contribue à mettre en scène, à la façon d'une sorte de parabole philosophique, la tension et le conflit entre ces deux exigences. Il y a quelque chose d'effrayant à lire ce qu'Hegel écrit, parce que finalement il dit bien que c'est la volonté de rester en vie qui nous conduit à la soumission, au fond. C'est parce que, c'est-à-dire celui qui est mu par la peur de mourir et donc la volonté de rester en vie, préfère rester en vie, même s'il est soumis, même s'il est dominé. Alors que l'autre, au contraire, va dire en vie, oui, mais pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelle condition. Tout à fait. Mais il faut se rappeler que quand Hegel écrit cela, il se place aussi un peu dans la continuité des théories de l'état de nature, hein, notamment de celle de Hobbes. Vous savez que chez Hobbes, l'état de nature, c'est un état conflictuel, un état de la lutte de tous contre tous, justement, où s'affrontent les égoïsmes individuels. Et donc, chez Hobbes, c'est l'impératif de sécurité qui l'emporte. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que nous rentrons en politique? Pourquoi est-ce que nous sortons de l'état de nature? Pourquoi est-ce que nous renonçons à l'exercice irréfréné de notre liberté? C'est pour sauver notre peau, parce que l'état de nature est un état de guerre et que nous risquons de mourir. Et donc, la clé du politique chez Hobbes, c'est d'abord, justement, c'est l'égoïsme humain, c'est le fait de vouloir rester en vie. Et donc, l'égoïsme naturel de l'homme demeure le fil rouge de la fondation du politique chez Hobbes. Hegel refuse clairement ce type de perspective anthropologique. Hein, le nerf, le but, finalement, de l'humanité, ça n'est pas, justement, de rester en vie, ça n'est pas d'affirmer ce que Hegel appelle l'entêtement humain, c'est-à-dire la persévérance dans notre égoïsme naturel, c'est le dépassement de cet entêtement, c'est le fait d'apprendre à vivre dans l'universel. Et donc, la dialectique du maître et du serviteur, ou de l'esclave, constitue justement un point de passage qui doit nous permettre justement de ne pas être des citoyens hobbesiens, c'est-à-dire de simples agents économiques en quête de notre profit égoïste, naturel, mais qui sommes capables justement d'opérer une forme de décentrement. De décentrement par rapport à cet égoïsme, d'intégration dans quelque chose de plus grand que nous, de soumission à des lois universelles dont nous reconnaissons la légitimité. Et donc c'est un apprentissage, et dans cet apprentissage, dans cette Bildung, dans cette formation, dans cette culture de l'individu, il faut apprendre à obéir. Il faut apprendre donc, il y a une expérience de l'obéissance qui peut prendre la forme d'un asservissement temporaire qui, pour Hegel, a une valeur positive. Il le dit bien, l'habitude de l'obéissance est un moment nécessaire dans la formation de chaque homme. Oui, Hegel, de ce point de vue-là, fait volontiers un parallèle avec l'éducation de l'enfant. L'enfant est animé, vous le savez bien, par un vouloir capricieux, comme dit Hegel. Il actualise de manière spontanée son égoïsme naturel. Il a un désir comme ça de simplement d'aller où bon lui semble. Et donc l'éducation de l'enfant suppose justement de réfréner ce désir, de discipliner ce caprice pour apprendre à l'enfant à obéir. Et cette expérience familiale de l'obéissance est le prélude à d'autres expériences plus élaborées de l'obéissance à l'école, dans la société civile, en politique, qui doivent le conduire à la citoyenneté. Donc il y a une espèce de pédagogie de l'obéissance chez Hegel. C'est ça, il faut ne jamais oublier que chez Hegel, tout ce qu'on peut lire et tous les textes que l'on peut lire, y compris celui que l'on commente ce matin, s'inscrivent dans un processus. Je l'ai rapidement dit en début d'émission, mais peut-être insistons là-dessus, même pour la suite de notre discussion, Olivier Tinlan. Il dit bien, Hegel justifie l'obéissance comme un moment nécessaire dans la formation de chaque homme. La dialectique du maître et du serviteur n'est qu'un moment vers ce que lui appelle l'universel, justement, qui est une sorte de but ultime. Tout est toujours en mouvement, il y a quelque chose un peu d'héraclitéen dans ce que dit Hegel. Tout est toujours en mouvement et on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, et il faut ressaisir ce mouvement permanent de la vie qui nous conduit vers un but. En tout cas, tout est toujours en mouvement tant qu'on n'a pas atteint le but. La vérité d'Héraclite, pour Hegel, c'est Parménide. Donc, l'hégélianisme n'est pas un pur héraclitéisme, mais en effet, il y a bien cette idée que la vie humaine est une succession d'expériences transformatrices, qui, quand elles fonctionnent bien, ce qui n'est pas toujours le cas, on y reviendra, doivent permettre à l'individu, justement, de s'épanouir comme être pleinement spirituel. Comme être qui soit capable, ensuite, justement, de ne pas obéir simplement à l'arbitraire d'un homme, que ce soit lui-même ou quelqu'un d'autre, qui ne soit donc ni tyran ni esclave d'un tyran, mais qui apprenne à obéir à de bonnes lois. Et donc, ce qui rend les lois bonnes, c'est justement, comme chez Rousseau, que ce sont des lois universelles, des lois qui concernent tout homme, quel qu'il soit, et non pas tel ou tel homme. Et donc cet apprentissage, c'est un aspect, alors je voudrais insister sur un aspect important. Cet apprentissage, il se joue aussi par le biais de la religion. On y reviendra sans doute quand on parlera de l'esclavage et du regard hegelien sur l'Afrique. La religion fait partie justement de ce que Nietzsche appellerait les instruments de culture fondamentaux. Mmh. Et donc les expériences, cette expérience du décentrement, cette expérience qui me révèle ma finitude et qui en révèle les limites, c'est une expérience qui peut prendre une forme politique, mais aussi une forme religieuse. Et ce qui est très frappant, c'est que Hegel reprend quasiment mot pour mot ce qu'il dit de la dialectique du maître et de l'esclave quand il parle de la religion judaïque. La religion judaïque, pour Hegel, c'est une religion où se joue cette expérience de la soumission au Seigneur, Herr, hein, qui la manière dont on traduit le maître dans la dialectique du maître et de l'esclave. Dieu est le Seigneur, et j'apprends à me soumettre à lui, au sens où justement je fais l'expérience de ma finitude, de mes limitations, de ce qui m'outrepasse infiniment. Et ce moment-là est un moment essentiel, justement, dans l'éducation de l'homme. Donc là, il ne faut pas oublier que, encore une fois, les enjeux de cette éducation de l'homme chez Hegel ne sont pas uniquement politiques, ils sont aussi, et peut-être d'abord, religieux, puisque c'est dans et par la religion, pour Hegel, que l'individu fait d'abord l'expérience de ce qu'il dépasse et de ce qui relativise son propre égoïsme naturel. C'est une chose qui peut poser problème aussi quand on lit Hegel, si je me mets à la place justement du lecteur, c'est que... On se demande, voilà, au nom de quoi affirme-t-il cela? Pourquoi est-ce que l'universel serait le but ultime? Pourquoi est-ce que la religion serait la sphère où l'homme deviendrait le plus pleinement homme? Vous voyez, il y a quelque chose comme une sorte de présentation d'un système, d'un sens et d'un but de l'histoire auquel on n'est pas forcément, on ne se sent pas forcément adhéré. Ah oui, non, c'est sûr. Personne, heureusement, n'est obligé d'être hegelien. Ce qui chez Hegel anime tout cela, c'est plusieurs choses. C'est d'une part justement l'expérience des impasses de certaines voies concurrentes, hein, et notamment justement des incarnations politiques, notamment de l'égoïsme humain, hein, ou en tout cas de modes de coexistence qui selon lui restent encore empêtrés dans une forme de naturalité. C'est d'autre part justement le souci d'atteindre une forme de vérité, et la vérité, on l'atteint par la raison. Mmh. Et la raison suppose justement, pour Hegel, cette expérience du décentrement. Et donc, encore une fois, là, nous autres modernes, on oppose souvent la religion et la raison. Nous sommes volontiers fidéistes, comme on dit, c'est-à-dire que la religion sera affaire de foi, et la religion et la raison bah, sera affaire justement de pensée construite et argumentée. Mais en fait, pour Hegel, il n'en va pas ainsi. La religion, pour peu qu'elle soit elle-même saisie en son sens rationnel, et il y a un sens rationnel du religieux pour Hegel, justement, c'est une expérience fondamentale pour l'homme. Hein, ça constitue, la religion, nous dit Hegel, constitue les racines éthiques de l'État, de toute vie politique. Ça ne veut pas dire du tout qu'il rêve d'un État théologico-politique où les religieux seraient au pouvoir, pas du tout. Ça veut dire que le citoyen trouve dans la religion, justement, une expérience décisive pour apprendre à trouver sa vérité en dehors de la forme immédiate de son égoïté, de son égoïsme. Et donc, de ce point de vue-là, en effet, il y a une valorisation de la religion, hein, qui, en effet, peut nous sembler un peu lointaine, nous autres lecteurs du XXIe siècle, même si, encore une fois, le phénomène religieux est loin d'avoir disparu autant qu'on aurait pu le prévoir. Alors, nous avons dit que pour Hegel, l'obéissance était un passage, un moment nécessaire à l'éducation même de l'homme. Dans quelle mesure est-ce que ce constat s'applique d'un point de vue politique? C'est toute la question, Olivier Tinlan. Ce que je vous propose de faire, c'est d'écouter un extrait d'un autre texte de Hegel qui s'appelle « La raison dans l'histoire ». Peut-être pouvez-vous nous présenter ce texte parce qu'il est très différent de la phénoménologie de l'esprit dont on parlait jusqu'à présent. Il le dit bien, hein, c'est l'inscription, le titre le dit bien, l'inscription de la raison dans l'histoire, mais il s'agit plutôt de cours qu'il aurait prononcé, c'est ça, c'est pas le même statut de texte. Oui, tout à fait. La raison dans l'histoire, d'ailleurs, n'est pas un ouvrage de Hegel. En fait, il s'agit d'un ensemble de manuscrits, de notes d'auditeurs qui ont servi d'introduction à ses cours sur la philosophie de l'histoire mondiale, cours que Hegel donnait à Berlin, hein, quand il était professeur à Berlin, entre 1822 et sa mort. Et donc, c'est tout un ensemble de leçons dans lequel Hegel développe de manière beaucoup plus détaillée des considérations sur, justement, sur les peuples, sur leur existence politique. Et donc, c'est l'occasion, donc, de voir un peu à l'œuvre des traductions concrètes de ce que Hegel présente sous une forme beaucoup plus générique, décontextualisée dans la phénoménologie de l'esprit. Voici le texte. L'esclavage suppose de façon générale que l'homme n'a pas encore la conscience de sa liberté et qu'il tombe ainsi au niveau d'une chose, d'un objet sans valeur. Dans tous les royaumes africains connus des Européens, l'esclavage est une institution indigène et domine naturellement. Mais la distinction entre maîtres et esclaves est fondée seulement sur l'arbitraire. La leçon que nous pouvons tirer de l'état d'esclavage est que l'état de nature est, par lui-même, l'état de l'injustice absolue et complète. De la même façon, tous les degrés intermédiaires entre cet état et la réalité de l'état rationnel comportent encore des éléments d'injustice. C'est pourquoi nous trouvons encore l'esclavage dans l'état grec et dans l'état romain, et que le servage s'est perpétré jusqu'à l'époque plus récente. Mais dans la mesure où il prend place à l'intérieur de l'État, l'esclavage est en lui-même un moment du progrès par rapport à la pure existence isolée et sensible, un moment de l'éducation, une sorte de participation à une vie éthique et culturelle supérieure. L'esclavage est une injustice en soi et pour soi parce que l'essence de l'homme est la liberté. Mais pour arriver à la liberté, l'homme doit acquérir d'abord la maturité nécessaire. L'élimination graduelle de l'esclavage est pour cette raison plus opportune et plus juste que son abolition brutale. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. S'affranchir, c'est le thème des chemins de la philosophie cette semaine, à l'occasion de la programmation spéciale sur France Culture, autour des mémoires de l'esclavage. S'affranchir avec une première émission autour de Hegel. Hegel justifie-t-il l'esclavage? Posons la question frontalement, en compagnie du philosophe Olivier Tinlan, qui est avec nous depuis Montpellier. Le texte que l'on vient d'entendre, lu par Denis Podalydès, semble répondre à la question, Olivier Tinlan, assez clairement. On entend l'ambivalence d'Hegel. D'un côté, l'esclavage n'est pas justifié à l'échelle individuelle, mais d'un autre côté, le texte le dit bien, l'homme doit acquérir d'abord la maturité nécessaire pour arriver à la liberté. C'est pour ça que l'esclavage doit être éliminé graduellement et non pas selon une abolition brutale. C'est difficile d'entendre ce texte, on ne peut pas lire autrement que comme une justification de l'esclavage, non? Oui, pour pouvoir le lire et le comprendre, il faut se débarrasser de ce que Hegel appelait la psychologie du valet de chambre. Vous savez, ce point de vue du valet de chambre... Moi, je ne le prends pas personnellement. Non, pas du tout. Rien de personnel. Mais ce point de vue de valet de chambre qui, en permanence, se trompe dans sa manière d'apprécier l'histoire parce qu'il applique un jugement moral. Jugement moral abstrait, qui dit, ça c'est dégueulasse, ça devrait pas exister, ça c'est pas juste, c'est pas juste. Et donc, ce point de vue, évidemment, Hegel ne prétend pas que le point de vue moral n'ait pas de pertinence, loin de là. Il dit juste que, dans l'histoire mondiale, il s'agit d'abord de politique, et donc d'une traduction concrète, de ce que la morale n'énonce que de très abstraitement. Et Hegel a toujours un grand soin, de s'interroger sur la manière dont l'homme devient libre, non pas dans le ciel des idées, mais de manière très concrète. Et donc on lui a beaucoup reproché ça, on l'a accusé de cynisme politique, ce qui n'est pas du tout, je pense, un reproche qui soit justifié. Il s'est vraiment demandé, mais c'est bien beau de vouloir la liberté, mais comment est-ce que concrètement on y parvient? Alors d'abord, dans ce cadre-là, l'esclavage est abordé par Hegel selon deux modalités. D'abord, Hegel répète clairement, l'esclavage est injuste, c'est une injustice absolue. Unrecht en allemand, c'est plutôt, pour traduire plus précisément, c'est ce qui est contraire au droit, d'accord ? C'est un non-droit. Donc là, au moins, les choses sont claires. Il n'y a aucune justification de l'esclavage du point de vue des normes qui doivent régir la vie humaine. Là-dessus, Hegel est tout à fait clair, c'est un humaniste, c'est un défenseur des droits de l'homme. Et donc, encore une fois, tout homme a droit à la liberté. L'essence de l'homme, c'est sa liberté. Et donc, le réduire à l'esclavage, c'est nier sa liberté, donc son humanité. Dont acte. Dans un deuxième temps, dans ce texte assez sinueux, hein, qui contient beaucoup d'idées différentes que vous avez citées, Hegel se demande, mais finalement, bon, l'esclavage, de fait, est un phénomène extrêmement répandu, non seulement chez les peuples non européens, elle consacre de nombreuses pages à l'esclavage en Afrique, par exemple, mais aussi bien en Europe. Hein, il rappelle, encore une fois, les pages qu'il écrit sur l'esclavage en Afrique peuvent sembler choquantes, mais il faut les lire en parallèle avec ce qu'il dit de l'Europe. Hein, l'Europe ne s'en tire guère mieux, puisqu'elle a toujours construit sa civilisation sur l'esclavage, dès les Grecs, les Romains, et jusqu'à l'époque de Hegel. Hein, Hegel rappelle utilement que le servage ou différentes formes d'esclavage n'ont été abolies qu'au tout début du XIXe siècle, sans parler même évidemment de l'esclavage dans les territoires des colonies. Donc Hegel, évidemment, est au fait de tout cela, et il voit dans l'esclavage finalement l'indice d'un inaccomplissement. Premier point, c'est un inaccomplissement évidemment, puisque cela indique qu'on n'est pas, si on a besoin de l'esclavage, ça veut dire qu'on n'en est pas arrivé au point où les individus peuvent simplement se reconnaître mutuellement en leur liberté au sein d'un État rationnel régi par de bonnes lois. Mais pour autant, et c'est là que ça devient plus difficile à entendre, l'esclavage, c'est mieux que rien, pour ainsi dire. C'est pas grand-chose, pour Hegel, mais c'est mieux que rien, au sens où c'est déjà l'instauration d'un rapport social. Un rapport social minimal, extrêmement insatisfaisant, asymétrique, mais un rapport social tout de même. Et donc, pour situer l'esclavage, il faut savoir d'où on part. Finalement, Hegel nous dit que l'esclavage est un phénomène relativement justifié dans l'histoire. Alors, ce relativement. Tout est dans le relativement, hein. Vous le citez, hein, c'est exactement l'expression qu'il emploie. Voilà, exactement. Alors, ça fait partie des formules types de Hegel, hein, qui refuse de prendre des options franchées, des postures confortables. L'esclavage est relativement justifié. Pourquoi ? C'est Hegel qui le dit, évidemment, pas moi. Pourquoi est-ce que l'esclavage est relativement justifié ? Parce que l'esclavage est pensé comme une phase transitoire conduisant de l'état de nature à l'état civil. Finalement, Hegel reproche à ses prédécesseurs d'avoir manqué, finalement, de ne pas avoir examiné les conditions qui nous permettent vraiment de sortir de l'état de nature, qui est un état de violence, un état de guerre, un état d'arbitraire, un état quasi animal, comme l'avait bien vu Hobbes et d'autres à son époque. C'est bien joli, nous demande Hegel, mais comment est-ce qu'on passe à l'état civil ? Hein ? À cet égard, la théorie du pacte social, qui est la théorie standard des contractualistes, hein, de Hobbes, de Locke et même de Kant, cette théorie du contrat social, pour Hegel, est une théorie irréaliste. Elle fait bon marché de ce qui doit constituer justement une forme d'expérience éducative. L'individu ne peut pas passer du jour au lendemain de l'état animal, de vie naturelle, à un état civil de citoyenneté accomplie. C'est pas possible. Hegel est un penseur de la transition, c'est un penseur de la réforme, non seulement de la réforme protestante, mais de la réforme politique. Hein, il n'y a pas de révolution sans réforme, nous dit Hegel. Et c'est pourquoi il peut dire dans le texte qui a été cité qu'il est favorable à une élimination progressive, graduelle de l'esclavage et non pas à une abolition brutale. Hegel condamne les phases brutales de changement. Il condamne la manière dont la Révolution française s'est accomplie du jour au lendemain. On n'installe pas les droits de l'homme comme ça du jour au lendemain. Hein, et Hegel a lu dans l'expérience de la terreur révolutionnaire la confirmation de son propre pressentiment. Il faut d'abord réformer les mœurs, je termine juste là-dessus. Il faut réformer les mœurs pour pouvoir ensuite révolutionner la politique. On ne révolutionne pas la politique comme ça du jour au lendemain. Et donc, d'où la prudence de Hegel et ce qu'on pourrait appeler son gradualisme dans le rapport à l'esclavage. Mais par rapport à l'expression de, enfin, je veux dire la phrase en entier, la servitude et la tyrannie sont dans l'histoire des peuples un degré nécessaire, donc quelque chose de relativement justifié. Vous avez bien expliqué, ça c'est l'encyclopédie des sciences philosophiques. Vous avez bien expliqué, Olivier Tinlan, qu'il s'agissait de réinscrire cette phrase-là dans un contexte qui est celui de la prise en compte de la sortie de l'état de nature. N'oublions pas quand même que cet état de nature, c'est-à-dire un état où les hommes vivraient selon une forme quasi animale, et au regard duquel l'esclavage serait un début de société, il y a quand même un rapport de force d'un humain à l'autre qui s'installe. N'oublions pas que si d'un point de vue contractualiste, vous avez cité Hobbes, Rousseau, Locke, ça peut se justifier. Le problème là, c'est que on se situe dans quelque chose qui n'est pas une fiction. L'esclavage tel qu'il a lieu au moment où Hegel écrit ce texte a réellement lieu. Or, l'état de nature, lui, est un postulat philosophique. Il n'a pas réellement existé. C'est là où les deux domaines se rencontrent, et me semble-t-il, de manière problématique. Le problème purement théorique qui implique le recours à une fiction, et le problème politique qui consiste à regarder l'époque dans laquelle lui-même vit et dans laquelle l'esclavage a véritablement lieu. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre manière de caractériser l'état de nature. L'état de nature, pour Hegel, ça n'est pas tout à fait une fiction. Hein, ça existe. Ça existe tant qu'un État n'a pas été constitué. Hein, prenons l'exemple favori de Hegel, l'exemple de Pisistrate. Hein, Pisistrate qui est un fameux tyran grec qui a gouverné Athènes et qui a permis justement ensuite, qui a contribué à l'avènement de la démocratie du siècle de Périclès. Bon, c'est une figure vraiment ambivalente et donc qui intéresse beaucoup Hegel. Hegel nous dit la chose suivante à son sujet. Il nous dit finalement... Avant Pisistrate, le sage Solon avait créé des lois pour le peuple athénien. Le peuple athénien vivait sans avoir une constitution, une politéia, c'est-à-dire des lois solides, cohérentes, qui leur permettent de vivre en citoyen. Et donc, Solon a créé une constitution, mais cette constitution n'était pas mise en œuvre. Et la ville athénienne était toujours en proie à des visées oligarchiques de la part de certains pans de la noblesse athénienne. Donc, était en proie à une forme de désordre. Pisistrate, aux yeux de Hegel, a été un mal nécessaire, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il a imposé un régime relativement autoritaire, tyrannique, mais qui avait pour but d'apprendre aux Athéniens à obéir aux lois de Solon. Et donc, il a opéré justement cette transition. Hein, c'est ce que Hegel appelle le droit des héros. Le droit des héros, c'est quoi ? C'est le droit qu'ont des individualités exceptionnelles à exercer une forme non légal de pouvoir politique dans ce qu'on peut appeler des états d'exception, c'est-à-dire dans des situations où il n'existe pas de cadre politique. Mmh. C'est dans des situations pré-politiques où justement des grandes individualités comme Pisistrate peuvent justement favoriser ces passages à la citoyenneté. Donc c'est dans ce cadre-là uniquement, encore une fois, que l'esclavage peut être relativement justifié. Mais là on est 23 siècles plus tard. Ah ben, je vous dis pas le contraire. Mais non, mais c'est ça. Oui, mais du coup, le contexte. Dans quelle mesure Hegel a-t-il connaissance du contexte historique dans lequel lui-même s'inscrit au moment où il écrit ? Alors, c'est une bonne question. En fait, quand il dit que l'esclavage est un phénomène relativement justifié, il parle de contextes très particuliers. Il parle d'une part surtout du passé. Évidemment, ça n'est pas. C'est relativement justifié comme un degré historique, mais ce degré est censé être derrière nous, puisque l'histoire mondiale est censée avoir accouché d'institutions politiques en bonne et due forme. Premier point. Deuxième point, l'esclavage demeure un phénomène réel que Hegel n'approuve pas, hein, et notamment, alors c'est un phénomène réel dans deux contextes principaux à l'époque de Hegel. Bon, évidemment, il y a des restes de servage, de domination chez les peuples européens. Ça, évidemment, Hegel est contre. Il n'y a aucune justification à maintenir des relations d'asservissement de ce type dans des sociétés qui sont en voie d'accomplissement sur le plan politique. Deuxième point, il y a une zone géographique où l'esclavage demeure la règle, selon Hegel. Ça fait partie des textes évidemment les plus polémiques de Hegel, c'est l'Afrique noire. D'accord ? Donc l'Afrique noire, c'est l'Afrique vraiment continentale, l'Afrique des hauts plateaux, ce continent refermé sur lui-même, inaccessible, dans lequel justement règne un État qui finalement, pour Hegel, est proche de l'État de nature, hein, qui est un État quasi animal, un État donc où l'esclavage est généralisé, constitue la norme, et où aucun État avec un grand E ne peut être institué. Donc Hegel met un diagnostic très très vif du continent africain. Encore une fois, j'insiste, de l'Afrique continentale, puisque ce qui enferme l'Afrique, c'est justement sa géographie. pour Hegel. Hein, c'est pas Hegel finalement base ses considérations non pas sur un racisme biologique. Hein, il n'y a pas d'essence de l'Africain distincte de l'essence de l'Européen, par exemple. L'Africain est le Noir africain est un homme comme tous les autres, comme les hommes européens notamment. Alors on pourrait éventuellement évoquer une forme de racisme culturel, dans le sens où Hegel dévalorise l'Afrique en y voyant justement un continent qui reste en marge de l'histoire. Simplement, la justification principale qu'il apporte à cela, c'est la dureté des conditions naturelles. Hegel est très pessimiste quant à la possibilité pour l'Afrique noire de sortir de cet état de violence, d'arbitraire, de brutalité, hein, dont il décrit des manifestations extrêmement effrayantes en s'appuyant sur les sources qu'il a, hein, dont il regrette d'ailleurs qu'elles soient si maigres. Et évidemment, on le regrette aussi parce qu'en relisant ça deux siècles après, on se rend compte que ces sources étaient évidemment caricaturales. Mais quoi qu'il en soit, Hegel est pessimiste sur le destin de l'homme africain en Afrique. Mmh. Il estime que les conditions sont telles que ça ne peut pas conduire à l'établissement d'un État avec un grand E, et sans État avec un grand E, sans l'existence d'une constitution, de loi, on ne peut pas sortir de cet état d'esclave. Alors voici ce qu'il écrit, hein, ce qu'on peut lire dans La raison dans l'histoire, il dit « L'Afrique n'est pas intéressante du point de vue de sa propre histoire, mais par le fait que nous voyons l'homme dans un état de barbarie et de sauvagerie qui l'empêche encore de faire partie intégrante de la civilisation. » L'Afrique, aussi loin que remonte l'histoire, est restée fermée, sans lien avec le reste du monde. C'est le pays de l'or, replié sur lui-même, le pays de l'enfance qui, au-delà du jour de l'histoire consciente, est enveloppé dans la couleur noire de la nuit. S'il en est ainsi fermé, cela tient non seulement à sa nature tropicale, mais essentiellement à sa constitution géographique. Je ne suis pas venu, jeune d'Afrique, vous donner des leçons. Je ne suis pas venu vous faire la morale. Je suis venu vous dire que la part d'Europe qui est en vous est le fruit d'un grand péché d'orgueil de l'Occident, mais que cette part d'Europe en vous n'est pas indigne, car elle est l'appel de la liberté, de l'émancipation, de la justice et de l'égalité entre les femmes et les hommes, car elle est l'appel à la raison et à la conscience universelle. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Ce que veut l'Afrique, ce n'est pas que l'on prenne son avenir en main, ce n'est pas que l'on pense à sa place, ce n'est pas que l'on décide à sa place. Jeunesse d'Afrique, vous voulez la démocratie, vous voulez la liberté, vous voulez la justice, vous voulez le droit. Eh bien, c'est à vous d'en décider. La France ne décidera pas à votre place. Mais si vous choisissez la démocratie, la liberté, la justice et le droit, alors la France s'associera à vous pour les construire. Olivier Tinlan, lorsque le 26 juillet 2007, Nicolas Sarkozy prononce ce discours à Dakar, un discours écrit par Henri Guénaud, est-il fidèle à ce que dit Hegel dans le texte dont j'ai lu un extrait juste avant, tiré de La raison dans l'histoire ? Ah, évidemment, c'est une question piège, puisque le rapprochement entre les discours peut être parasité par le rapprochement entre les deux hommes. Je ne dirais pas que Hegel est sarkozyste. Par contre, en effet, il y a bien des points communs dans ce texte-là, entre ce que Hegel nous dit et ce que le président de la République dit au peuple africain, avec cette nuance. En fait, pour Hegel, l'Afrique noire, encore une fois j'insiste, hein, ça ne vaut pas de l'Afrique maghrébine ou de l'Afrique égyptienne vers la proche de la plaine du Nil. L'Afrique continentale, pour le dire autrement, reste en marge de l'histoire pour des raisons d'abord géographiques, pour en raison d'un climat rude et de justement de cet enclavement par des montagnes, des déserts qui l'empêchent de communiquer avec les autres peuples. Et pour Hegel, il y a une grande thèse centrale dans sa philosophie d'histoire, c'est que les peuples ne progressent qu'en subissant l'influence des autres. Alors cette influence prend souvent la forme d'abord de la guerre, une forme violente, mais ces guerres elles-mêmes apportent justement des transformations, des relations qui ensuite peuvent prendre un tour plus pacifique. Et donc de ce point de vue-là, l'Afrique n'est pas la seule à subir cet isolement. Les peuples du Nord, nous dit Hegel, hein, trop au nord de l'Europe, sont aussi des peuples enclavés qui ne participent pas à l'histoire mondiale, par exemple. Donc si l'on veut aller jusqu'au bout, Hegel n'est pas plus gentil avec les Scandinaves qu'avec les Africains. En fait, le critère, c'est vraiment la capacité à bénéficier d'une influence extérieure. Ça ne veut pas dire forcément pour Hegel que cette influence doit être européenne, ça veut dire qu'elle doit exister. Et ça, c'est fondamental. Par exemple, l'Afrique de la plaine du Nil, nous dit Hegel, est dans une toute autre situation, non pas parce qu'elle subit les bienfaits de la colonisation européenne, mais parce qu'elle a subi l'influence des peuples asiatiques. Donc on voit là qu'il n'y a pas uniquement une relation à sens unique entre l'Europe et l'Afrique. Certes, mais le constat est le même, que ce soit pour des raisons géographiques ou racialistes ou autres, c'est que quand même, dans le cas du discours de Nicolas Sarkozy, mais dans le cas du texte de Hegel aussi, c'est qu'en fait, l'Afrique est en retard. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, le problème du système hegelien, c'est qu'il y a une sorte d'ascension vers un but ultime qui serait l'universel, c'est un point de vue universaliste, c'est-à-dire souvent l'expression d'un certain point de vue européen d'ailleurs, au regard duquel l'Afrique est forcément en retard. Tout à fait. Bah là, on est vraiment, on touche à un point sensible de sa philosophie d'histoire. Hein, ça n'est pas le seul d'ailleurs à être dans ce cas-là. Hein, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ethnocentrisme assez flagrant de la philosophie d'histoire de Hegel, qui était aussi l'ethnocentrisme de Kant, qui était aussi l'ethnocentrisme de la plupart des philosophes des Lumières. Hein, et il faut s'en souvenir. De ce point de vue-là, Hegel, justement, marque une forme de progrès par rapport aux philosophies d'histoire des Lumières, dans un souci justement d'intégrer autant que possible la diversité des peuples et des cultures dans un grand récit. Mais bien entendu, ce grand récit demeure eurocentriste, eurocentré, et l'Europe demeure la norme d'accomplissement des autres peuples. Je voulais dire un autre mot au sujet du rapport de Hegel à l'Afrique. Hegel est à la fois très pessimiste pour les Africains sur leur sol, et en même temps, il n'a pas du tout une conception fermée de leur destin, de leur évolution, pour peu qu'ils s'affranchissent des conditions naturelles extrêmement difficiles qui sont les leurs. Et donc il y a des textes assez intéressants où Hegel justement s'intéresse à ce que deviennent les anciens esclaves noirs qui ont fait l'objet de la traite négrière, et cite justement certains cas qu'il salue positivement, hein, notamment le cas de ce médecin au Brésil, de ce médecin noir, qui a appris aux Européens comment utiliser la quinine. Donc là, on a un retournement étonnant, hein, et savoureux, où Hegel, justement, nous montre que, finalement, un individu qui vient de l'Afrique noire, pour peu qu'il ait pu, justement, se cultiver dans des conditions moins difficiles, peut tout à fait s'émanciper et évidemment être à la hauteur, voire supérieur à la qualité des médecins européens, pour peu qu'on lui en laisse les moyens. Donc vous voyez un peu, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que Hegel est un modèle absolu d'intégration de l'autre, hein. Hegel n'est pas Lévi-Strauss, mais c'est une pensée qui, à mon avis, n'est pas si désespérante que ça par rapport à ce qu'on lui impute souvent. Mais la question reste entière, il ne reste malheureusement que quelques minutes pour essayer d'y répondre, concernant le rapport de Hegel à l'actualité de l'esclavage. La formule est sans doute malheureuse, oui. Parce qu'au fond, le constat qu'il fait sur l'Afrique ne concerne pas, vous l'avez dit rapidement, vous l'avez laissé entendre, la traite négrière. Il parle des royaumes africains qui, selon lui, sont à l'état de nature. Qu'en est-il de la question de l'esclavage par rapport à la colonisation, puisque Hegel est complètement contemporain de ces questions-là? Tout à fait. Alors, il faut se souvenir que Hegel est quelqu'un qui lit énormément les journaux, notamment les journaux anglais. Il est très au fait de ce qui se passe. Il y a aussi les journaux qui relatent les faits qui concernent justement le colonialisme et les révoltes d'esclaves qui ont lieu à cette époque, notamment à Haïti, avec le grand mouvement initié par Toussaint Louverture. Mm-hmm. Et donc, alors, on n'en trouve pas beaucoup de traces, hein, mais il y en a quelques-unes. Il y a deux choses. D'une part, Hegel, a un point de vue assez timoré sur la colonisation. Hein, ça serait excessif de dire qu'il a un point de vue négatif. C'est-à-dire qu'il a un point de vue sur la colonisation qui, à la fois, n'est ni critique ni enthousiaste. D'un côté, il comprend la colonisation comme l'exportation des contradictions de la société civile européenne. Hein, c'est d'abord parce que nos sociétés civiles, c'est-à-dire nos modèles économiques, conduisent à des contradictions, à des tensions, à des pénuries, à des situations intenables au niveau domestique, que nous allons exporter nos contradictions à l'extérieur. Ça, c'est une théorie qui est évidemment très intéressante. La colonisation donc se fait pour de mauvaises raisons. Premier point. Par ailleurs, la colonisation, évidemment, du point de vue d'un eurocentriste comme Hegel, est susceptible d'apporter de bonnes choses, hein, et notamment, il voit d'un bon œil la conversion des Haïtiens au christianisme, par exemple. Donc là, il a un point de vue, évidemment, qui peut être considéré comme discutable. Il estime que la colonisation, en dehors de ses injustices, de sa violence et des mauvaises raisons qui l'ont suscité, peut apporter de bonnes choses. Troisième point, il estime que la colonisation ne doit plus supposer l'esclavage. Les nations qui colonisent les peuples, les autres peuples, ont tout à gagner, dit Hegel explicitement, à libérer leurs esclaves. Hein, finalement, l'esclavage, non seulement est une injustice absolue, mais de toute façon, ne présente aucun intérêt spécifique. Il faut libérer les esclaves. Alors, il va pas plus loin. Mmh. Hein, il ne commente pas davantage ce point, mais en tout cas, il dit clairement que la colonisation ne doit pas impliquer l'esclavage, ce qui est évidemment une thèse forte dans un contexte où cette question est encore loin d'être réglée. Hein, c'était en train d'être réglée, mais les débats étaient encore très vifs entre les pro-esclavage, les pro-esclavagistes et les anti-esclavagistes, entre les défenseurs de l'émancipation des peuples colonisés et leurs adversaires. Alors, puisqu'il nous faut conclure en moins d'une minute, Olivier Tinlan, est-ce qu'on peut dire, on peut rester sur l'ambivalence hegelienne entre d'un côté l'esclavage historique, disons, est absurde parce qu'il nie la personnalité de l'homme, il lui refuse sa liberté, la pleine possession de son corps, et en ce sens, il est injustifiable, mais que d'un autre côté, il est justifié du point de vue de la fondation des sociétés qui doit passer par une forme d'obéissance pour mieux atteindre la liberté. Voilà, ça ne veut pas dire que ce soit le détour idéal, mais c'est un détour, malheureusement, pourrait dire Hegel, on n'a pas trouvé mieux dans certains cas que l'esclavage pour enclencher un processus qui, évidemment, a vocation à se dépasser bien au-delà de l'esclavage par la suppression de ce phénomène qui est une injustice absolue. Donc ambivalence, c'est le terme qui convient par rapport oui, à la position mais de Hegel ambivalence, sur l'esclavage oui et non. Ambivalence, oui, si on estime que la position de Hegel est complexe. Ambivalence, non, dans la mesure où Hegel condamne explicitement et sans équivocité aucune l'esclavage. Merci beaucoup, Olivier Tinlan, de nous avoir éclairé sur cette question ce matin depuis Montpellier. On mettra en ligne votre bibliographie sur le site des Chemins de la philosophie. Each is a servant, nous sommes tous, et chacun est un servant ou un esclave. C'est Pablo Moses qui le chante. Servant unto the other. I am your servant, you are my servant. Each is a servant unto the other. I am your servant, you are my servant. You help and I will help too. Les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. En quelle matière sont faites les mathématiques ? Eh bien, je crois que pour les écoliers, elles sont en craie. Je suis en tout cas resté à ma perplexité première, ce moment vers le CE2 peut-être, où on m'a expliqué que le cercle dessiné à la craie blanche sur le tableau verdâtre n'était pas le cercle véritable, mais seulement son approximation, idem pour les parallèles. Celle du tableau finirait par se toucher, sinon ici, en le dépliant comme un retable, sinon à l'autre bout de l'univers, en déployant l'univers comme un grand tableau noir. Et cependant, les parallèles véritables, elles, ne se toucheraient jamais, par définition, ce qui m'avait rendu un peu nauséeux. Leur absence de contact m'avait paru relever, en dernier lieu, bien plus de la tragédie que des mathématiques. Je ne savais pas encore en quelle matière étaient faites les mathématiques, mais je savais à quelle matière les rattacher, et ce n'était pas une matière scientifique. Alors, quelle était cette matière ? Bien la philosophie sans doute, voire le français peut-être, les mathématiques, avec leur théorème implacable, avec quelque chose de dramatique. On comprenait assez vite qu'on n'était pas là pour rigoler. Le théorème de Pythagore ressemblait à une tragédie de Racine. L'hypoténuse n'échappait pas plus à son carré que Phèdre à sa mort. Quantité de Grecs barbus, solennels et sinistres, avaient tenu des bâtons au soleil ou déplacé des cailloux dans le sable pour nous livrer leur désolante conclusion que c'était ainsi que faisaient les triangles, ainsi que croupissaient les cercles, que dormaient les carrés dans leur éternité mathématique, tout en disant bien que cela n'avait rien à voir avec ces objets qu'ils manipulaient seulement à titre d'exemple, et tout à voir en même temps avec la constitution dernière du monde matériel. L'enseignement des mathématiques consiste à tenir ouverte cette dialectique malaisante entre les choses matérielles et les objets mathématiques, à les garder bien séparés, mais réunis quand même dans la vision entreaperçue d'un paradis mathématique, comme ce jour où on nous a fait mesurer la circonférence d'un cercle avec un morceau de laine rouge et déduire empiriquement la valeur de pi, pour aussitôt rabaisser notre tentative en s'amusant du fait que personne dans la classe n'avait trouvé la même valeur, évidemment. Donc les mathématiques ne sont pas non plus faites en laine rouge ? Elles ne sont faites en rien du tout, c'est terriblement frustrant, en matière grise gélatineuse, mais ça voudrait dire que le théorème de Pythagore possède l'étrange propriété d'être à 37 degrés. Vous me répondrez qu'on arrive à l'implémenter dans des circuits imprimés de température indifférente, voire dans les circuits implacables transcendant de la logique formelle. Alors je ne vais pas vous refaire l'histoire des paradoxes de Russell et la réduction des mathématiques à la logique, mais il ne semble pas certain que cela marche aussi bien que prévu. Les mathématiques sont profondément, intrinsèquement logiques, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elles sont faites de cette matière non plus. Mais alors, Aurélien, pardon, mais pourquoi vouloir absolument qu'elles soient faites de quelque chose ? Ben voilà, c'est vrai, elle pourrait être faite d'elle-même, être par exemple un ensemble d'énoncés vrais sur les mathématiques. La matière des mathématiques, ce serait les mathématiques en tant que matière, en tant que mode de pensée, que champ académique et pourquoi pas en tant qu'habitus. Les mathématiques, ce serait ce que font les mathématiciens et la question serait réglée qu'on les observe pour voir de quoi ils retournent. Et donc de quoi retournent-ils ? Eh bien, de craie, précisément. En tout cas, l'un des principaux objets de préoccupation des mathématiciens depuis un peu plus de 5 ans semble être la faillite du fabricant japonais de craie, Agoromo, qui fabriquait les plus agréables au toucher de ses instruments mathématiques élémentaires. Sur eBay, le prix des rares boîtes restantes de ces craies miraculeuses s'envole, car les mathématiciens, apparemment, sont restés très largement attachés au tableau noir. À se demander si, quand les derniers stocks de leurs craies préférées seront épuisés, les mathématiques ne seront pas achevées, elles aussi. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Manon Delasselle, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, c'est Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson, à la lecture des textes Denis Podalides. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série autour de l'affranchissement, s'affranchir. Nous serons avec Ciliane Larcher pour une émission autour d'Aimé Césaire. Citation d'Aimé Césaire, « L'admirable est que le nègre est tenu ». On verra demain comment la négritude peut peut-être libérer de l'aliénation. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture, hein, programmation spéciale autour des mémoires de l'esclavage. LSD tout à l'heure, les Antilles françaises enchaînées à l'esclavage, le temps du débat par Emmanuel Laurentin, peut-on réparer l'esclavage ? Toute cette semaine, une programmation spéciale. Et donc, on se retrouve demain à 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute.